Salut, ça va? Ouais. Bon, alors... Alors donc, c'est parti. Une chanson que je joue hyper souvent, c'est histoire de la jouer. Alors j'ai pas mal de vieilles chansons de Sophie Marais. Et ça a l'air de te belle comme vieille, personne ne connaissait, c'est bien fait pour vous. Prochaine, c'est une très vieille aussi, et, que j'aimerais bien dédier à Laurent Barneau, mais je ne suis pas hyper sûr d'arriver à la jouer correctement, parce qu'elle est un peu vieille. Et on va essayer quand même. Avec une guitare folk, quoi. Et maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait deux personnes qui viennent jouer des percussions et de la contrebasse. Je ne sais pas où ils sont, ils s'appellent Lyon et Jolfa en tout cas, et pour la peine, je vous demande de les applaudir parce qu'ils sont super beaux. C'est que nous avons eu une petite journée difficile un jour, nous trois, nous nous sommes battus férocement et le matériel en a beaucoup souffert et c'est la raison pour laquelle il y a de grandes chances pour que ce soir on puisse fondre des brûles. Donc pour ce faire, j'ai choisi de demander à Alex Desibizarres que je remercie de nous prêter un ampli au cas où. Par conséquent, si jamais il arrive quelque chose de dramatique, je vous demande de rester calme, ça sera juste une histoire de branchement, ça prendra 2 minutes. Un grand communicateur. Très bien. Les mecs. Ah oui, alors Olivier, pour ce morceau, je te demande de nous foutre un petit peu. Elle est très nouvelle. Et voilà, on y va. Jamais ça, mais ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Attends. Je sais pas si vous savez, mais là, il y a un spot, il fait chaud. Oh là là, ça, par contre, ça, quand j'arrive au truc, ça vous donne chaud. Hein. Non. Ah oui. Ah, il est de plus en plus à l'aise. Ouais. Il était timide, ah, il est bien, c'est bien. Ah, ouais. Je suis plein de pour qui c'est vécu, ils n'ont pas envie de le revivre. Hein. Donc, il m'entraîne encore la personne maintenant. Maintenant, on va jouer une très très vieille chanson qui s'appelle Varie, c'est une catène. I'm sorry. si mon corps est cassé, c'est... Voilà. Alors, donc ça c'était un bout de jingle. Merde, putain. raconte une histoire que vous connaissez sûrement. Il y a une histoire qu'on raconte souvent. Alors, pour ceux qui nous ont déjà vus, ça va les gonfler, mais les autres, il faut quand même qu'ils comprennent un truc. C'est que la prochaine chanson est une chanson qui s'appelle David l'Espèce et qui est dédiée à David l'Espèce. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, joue dans un groupe qui s'appelle Aerosmith. Donc, c'est dédié à lui parce qu'il nous a fait le cul assez souvent. Et donc, elle s'appelle David l'Espèce. I think I maybe believe in deep end. Or maybe I could remember his name. An American hemlock. I think it's maybe you, it's our friend. I think it's good to watch TV on Sunday. Okay, I have a pillow. Oh, I'm going to get laisser faire une petite pause. C'est bon. Non mais c'est bon, ça devrait aller, la prochaine chanson est une chanson d'amour et de thé. Qui s'appelle Ultra Sordide. Il s'attrape une autre baguette. Il va se le mettre dans le cul, c'est ça, un peu. Non, on l'avait dit, pas merde. Ça, hein. Pas ce genre de choc. Non, je voulais dire, non, je reprends. C'est-à-dire que métaphysiquement, il est proche du non-être quand il prend sa baguette. Ça vous plaît plus ? Bon. Surtout moins de temps entre les morceaux. C'est bon, tranquille. Ouais, tranquille, là. Hein. Okay. Alors, un, deux. Let's do it! Applaudissements avec vous. Vous voyez, les couleurs reggae. Ouais, c'est ça, hein. Les couleurs reggae. Ah, Rastafari. Rastafari, ça tient tout seul pour la fin. On va pas se quitter là-dessus, hein. Ouais. C'est trop dur, ça. Thank you.